gay. Oh, moi je veux trop la ken là. Je sais qu'elle va trop parler. Muscule, ça sert à rien, mais je la fais espérer. 10 mais bien chargé, je veux trop la ken, tu sais. La ken, tu sais, mais nique ça va pas. Je suis en étrangé en feu rouge. Je suis posé dans Dubaï, je suis en Ferrari, je fais du rallye. Que des coups de frais dans le radar. Je me suis gavé, y'a peu de petits. Je suis gris sur un petit. Et de poids, c'est des petits, c'est des petits, c'est des petits. Je veux dire, mon tu veux dire, mais la veuve, ça va. Tu veux dire, mais la veuve, ça va. On m'a dit que tu lances ça trop bien, on m'a dit que tu lances ça trop bien. Ne le répète pas deux fois, la balle se dirige vers ton foie. Trop de moulin, j'ai des crampes aux doigts. Répète pas deux fois, la balle se dirige vers ton foie. Trop de moulin, j'ai des crampes aux doigts. Baby veut faire des bisous, bitch, je pèle les mes bijoux. Les plus fraîches rentrent avec nous. Bah oui, on sort de la place. Baby veut faire des bisous, bitch, je pèle les mes bijoux. Les plus fraîches rentrent avec nous. Bah oui, on sort de la caille. Fais la loi désormais, on sort de la caille. Let's go. Fais la loi désormais. Bah oui. Je rentre avec nous, on sort de la cahier. Devant moi elle va se cambrer, oui. Si je reste là ses jambes vont trembler, ah. Mauvais garçon là je suis tenté, oui. Revenez dans la main chirotée, oui. Petit à petit je la rembête, ah. Elle me demandera en tête à tête, oh. Lui faire du linçage, j'ai la recette, oh. Lui faire du linçage, j'ai la recette. Let's go. Je suis rentré dans la zone, oui. Faut la coque ça folle, ah oui. Au poignet j'ai ton loyer, plus. Au pied j'ai le prix de ton foyer, ah. Tu vas rien faire du tout, que des grands gestes il faut qu'un poignet, bah oui. Tu vas rien faire du tout. Let's go. Le reste de mon dîner, tu veux dire mais la veuve ça va. Tu veux dire mais la veuve ça va. Arrête tes chevilles, on m'a dit que tu l'as ça trop bien. On m'a dit que tu l'as ça trop bien. Ne le répète pas deux fois, la balle se dirige vers ton foie. Trop de moulin, j'ai des crampes aux doigts. Répète pas deux fois, la balle se dirige vers ton foie. Trop de moulin, j'ai des crampes aux doigts. Baby veut faire des bisous, bitch, je pèle mes bijoux. Ouh. Les plus fraîches rentrent avec nous. Bah oui, on sort de la Let's go. Baby veut faire des bisous, ah. Bitch, je pèle mes hey, bijoux. Hey. Les plus fraîches rentrent avec nous. Bah oui, yeah. On sort de la caille. J'ai la loi désormais. On sort de la cahier. Let's go. Fais la loi désormais. Bah oui. On sort de la cahier. Let's go. Baby veut faire des bisous, hey. Bitch, je pèle mes bijoux. Les plus fraîches rentrent avec nous, yeah. On sort de la cahier. Tu veux dire mais la veuve ça va. Tu veux dire mais la veuve ça va. Arrête tes chevilles. On m'a dit que tu l'as ça trop bien. On m'a dit que tu l'as ça trop bien. Ne le répète pas deux fois. La balle se dirige vers ton foie. Trop de moulin, j'ai des crampes aux doigts. Répète pas deux fois. La balle se dirige vers ton foie. Trop de moulin, j'ai des crampes aux doigts. Baby veut faire des bisous, bitch, je pèle mes bijoux. Ouh. Les plus fraîches rentrent avec nous. Bah oui. Let's go. Baby veut faire des bisous, ah. Bitch, je pèle mes bijoux, hey. Les plus fraîches rentrent avec nous, bah ouais. On sort de la caille. Fais la loi désormais. Chut. On sort de la caille. Let's go. Fais la loi désormais. Bah oui. On sort de la caille. Let's go. Baby veut faire des bisous, hey. Bitch, je pèle mes bijoux, hey. Les plus fraîches rentrent avec nous, yeah. On sort de la caille, yeah. Let's go. On sort de la caille. Hmm? Fianto. On sort de la caille. Aïe, let's go. On sort de la cahier. Ouais, viens tout. On sort de la cahier.